Eugène passa la main dans ses cheveux et se tortilla pour saluer en croyant que Madame de Beauséant allait penser à lui. Tout à coup, elle s'élance, se précipite dans la galerie, accourt à la fenêtre et regarde M. d'Ayoude pendant qu'il montait en voiture. Elle prête l'oreille à l'ordre et entend le chasseur répétant au cocher « Chez M. de Rochefide ». Ces mots et la manière dont d'Ayoude se plongea dans la voiture furent l'éclair et la foudre pour cette femme qui revint en proie à de mortelles appréhensions. Les plus horribles catastrophes ne sont que cela dans le grand monde. La vicomtesse rentra dans sa chambre à coucher, se mit à sa table et prit un joli papier. « Du moment, écrivait-elle, où vous dînez chez le Rochefide et non à l'ambassade anglaise, vous me devez une explication. Je vous attends. » Après avoir redressé quelques lettres, défigurées par le tremblement convulsif de sa main, elle mit un C qui voulait dire « Claire de Bourgogne » et sonna. « Jacques, dit-elle à son valet de chambre qui vint aussitôt, vous irez à 7h30 chez M. de Rochefide. Vous y demanderez le marquis d'Ayoude. Si M. le marquis y est, vous lui ferez parvenir ce billet sans demander de réponse. S'il n'y est pas, vous reviendrez et me rapporterez cette lettre. Madame la vicomtesse a quelqu'un dans son salon. Ah, c'est vrai, dit-elle en poussant la porte.